Tous les hommes meurent et au fond peu d'hommes vivent. Mais señorita, ce soir je sens ma chance à portée du cœur. Chapeau bas, ton humour, tes mots d'auteur. Je salue ton style. Ces gens pâles, cette saule de tisane. C'est un bonheur qui fait mal d'avoir beaucoup trop attendu. C'est comme si je t'avais toujours connu. Un supplément d'âme. La soirée meurt, tu sembles ailleurs et perdu. Mais à cette heure inconnue, tu ressembles à ma sœur. Jamais eu. Crois-moi, ce genre de certitude est rare. Si on allait marcher dehors, courir un peu sur la plage. Je sais que c'est dur de tourner la page, mais c'est pas trop tard. Quand je vois ça, je te jure que ça me fait mal. Il se fout de toi, il te salit de sa morgue à y'a plus rien à espérer quand Elvis a quitté la salle. Et dès que la meurt, tu la chaleur me salue. Sans couleur dans la rue, tu ressembles à ma sœur, à la sœur que je n'ai jamais eue. C'est là, viens, il est encore temps, prends-moi comme je suis. Il faut jouer ton va-tout avec la vie. Et je serai l'amoureux. S'enfuir ailleurs, lui, rage au cœur étendu. Vers une heure de salut, un monde meilleur. Mais ne pleure plus, n'aie pas peur du mal. À la sœur que je n'ai jamais eue. À la sœur que je n'ai jamais eue.